marchant le sable passé. Ferme, ferme les volets. Les yeux ferment les volets. Quand on tire les rideaux, c'est l'heure du dodo. Marchant, marchant de sable qui passe. Marchant, marchant de sable passé. Ferme les volets. Les yeux ferment les volets. Quand on éteint le soleil, c'est l'heure du sommeil. Marchant, marchant de sable qui passe. Marchant, marchant de sable passé. Ferme les volets. Les yeux ferment les volets. Fini, c'est fini la fête. C'est l'heure de la ronflette. Marchant, marchant de sable qui passe. Marchant, marchant de sable passé. De sable qui passe. De